Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « La nécropole des vivants » avec Fabien Bief-Perrin, historien et chercheur, et Élise Pampanet, doctorante en langue, histoire et civilisation des mondes anciens, dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. On a le plaisir donc de recevoir Élise Pampanet, qui est agrégée de lettres classiques, docteur en histoire, enseignante dans le secondaire aussi, qui a eu l'occasion au cours de sa thèse d'étudier à la fois les pratiques funéraires, des représentations des femmes aussi, et toute une série d'autres sujets qu'il n'appartient pas de résumer ici. Elle est aussi collaboratrice d'Antiquipop, aux côtés de Fabien Bièvre-Perrin, qui est lui maître de conférence à l'Université de Lorraine, à l'INSPED Bar-le-Duc, et qui a aussi beaucoup travaillé sur les représentations. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu, comme Élise, au cours de la table ronde d'hier, ou lors d'une précédente édition pour une intervention notamment sur la figure d'Apollon dans la culture populaire contemporaine. Ils ont accepté de nous parler, au vu du thème de cette édition, Memento Mori, de la nécropole des vivants. Voilà, titre qui peut être un peu énigmatique. Je vais les laisser le développer, l'expliquer. Et je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté de prendre part à cette intervention. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est un titre peut-être un peu énigmatique, mais on va essayer de le justifier. Donc ce qu'on vous propose, c'est de suivre, à travers notamment des images, des représentations antiques, le parcours d'une personne qui vient de mourir jusqu'aux enfers. Donc il y a beaucoup d'étapes, et les premières étapes se passent dans le monde des vivants, évidemment, puisque une fois que personne est morte, que ce soit un homme ou une femme, on va prendre soin d'elle d'abord dans le cadre du foyer. Donc c'est ce que vous avez à l'écran, ça s'appelle la prothésis, où on va exposer le corps. Donc, ce sont des pratiques qui existent toujours, qu'on retrouve par exemple aussi en Grèce à l'heure actuelle ou en Italie du Sud. Et donc pendant un certain nombre de jours, la dépouille va être maintenue chez elle sur un lit, donc un peu comme si elle appartenait encore au foyer, et on va prendre soin d'elle, on va notamment la laver, l'habiller, et vous voyez sur cette image qu'il peut y avoir des pleureuses qui sont engagées, donc ce sont les femmes de la famille avant tout, mais on peut aussi avoir des pleureuses, ils vont chanter, il y a tout un savoir-faire féminin autour de la mort, et là ce sont deux images anciennes, on est durant la période archaïque, donc on voit bien ça au style de ces objets. Et ensuite, les femmes, notamment à Athènes, vont être par contre un peu mises au banc de ces rituels funéraires parce que ça leur donne énormément d'importance dans la société. Et la société athénienne n'est pas la société la plus égalitaire, disons, notamment en direction des femmes. Donc, dans d'autres régions du monde grec, c'est un peu différent, mais bon, quand même, globalement, les femmes s'effacent un petit peu après la période archaïque, enfin durant la période archaïque même, de ces rituels. Mais voilà, ça c'est la première étape. Et là, sur ces objets, vous voyez aussi des courses de chars, des défilés, parce qu'il peut y avoir des jeux funéraires en l'honneur du défunt. La deuxième étape, c'est parce qu'on ne va pas garder le mort non plus à la maison pour trop longtemps. Il y a déjà des préoccupations liées à la conservation du corps. Donc il va y avoir ce qu'on appelle l'ekphora. L'ekphora, c'est le cortège. On va emmener le corps du défunt ou de la défunte jusque dans la nécropole. Donc là, j'ai mis des images pour le montrer. Ici, vous voyez dans les codes du style géométrique, donc vous avez deux chevaux ici, tous les plans sont superposés, et en fait ici vous avez le corps sur le lit, donc on prend le lit dans la maison, on le pose sur le char et on l'emmène jusqu'à la nécropole, et donc vous voyez, on retrouve peut-être des pleureuses. C'est très difficile de distinguer les genres sur cette iconographie géométrique, ce qui est aussi intéressant. Et là, une image bien plus récente, donc on est à Paestum en Italie du Sud, où on ne voit pas Là, vous avez le lit funéraire, baldaquin, mais il n'est pas encore transporté. Mais on représente déjà, il faut lire ça un peu comme une bande dessinée, il y a des cases, on représente déjà la procession qui part, donc avec un sacrifice, des offrandes, etc., en direction de la nécropole. Et donc, On va dans la nécropole, on va sortir des murs. Donc on va rentrer dans ce qu'on appelle la nécropole, nécropolis. Donc polis, c'est la ville, c'est la cité des vivants. Et nécropole, c'est nécropolis, la ville des morts. Donc on change d'espace. C'est un espace, par contre, qui ressemble à l'espace de la polis, qui va être structuré de la même façon. Mais voilà, on sort de la muraille. Là, c'est à nouveau Paestum, c'est un plan archéologique. Et il est volontaire, j'ai volontairement choisi parce qu'il n'est pas si facile que ça à lire. Mais donc, la ville est de ce côté des murailles, puis on traverse. Des fois, on traverse une rivière, ce qui est symbolique aussi. Hein, ça rappelle le Styx, notamment, mais il n'y a pas que ça. Et on se retrouve dans un espace qui est structuré par des rues, par des, il y a des fontaines, il y a tout ce qu'il faut pour la vie des morts. Et donc, j'ai mis ces deux images parce que ça montre à quel point on a une vision tronquée de la réalité. Quand on voit ces plans, ça donne une image un peu fausse, on a l'impression que c'est tout à plat, qu'on voit toutes les tombes, etc. À droite, ça c'est une nécropole en Sicile, donc ce sont avec des tuiles qu'on a fabriqué ces tombes, mais tout ça c'était enterré, on ne le voyait pas. Et donc on peut avoir un aperçu de la nécropole qui est un peu faux. Il faut imaginer qu'en surface, en fait, on a plein de monuments funéraires exactement comme aujourd'hui. Vous allez dans un cimetière, il y a des stèles, il y a des petits monuments, il y a des petites colonnes, etc. Il faut imaginer qu'on signale les tombes, tout simplement, parce que si on ne signale pas les tombes, d'ailleurs, hier, le cas a été évoqué dans la table ronde d'hier sur la mort, quand on creuse, on risque de tomber sur les tombes précédentes. Et bon, c'est quand même quelque chose qu'on cherche à éviter dans le monde grec, parce qu'il y a un respect de la tombe. Et puis, simplement, ça prend du temps. Si on tombe sur une tombe, soit ça veut dire qu'il faut tout pousser, tout enlever, soit ça veut dire qu'il faut reboucher, puis faire un trou après. Or, dans les nécropoles grecques, on voit qu'il y a très peu de perturbations. Pardon. C'est parce que tout est signalé en surface. Donc, très rapidement, on voit des stèles donc, de différents types. C'est tout ce que vous avez à droite. On peut mettre des petits autels. Ça, c'est pratique. On signale carrément la tombe par un autel sur lequel on va pouvoir faire les sacrifices directement. Donc, ça s'appelle des aroulas. On peut mettre des vases, des stèles. Là, c'est simplement une tuile qui est dressée. Des vases qu'on va à moitié enterrer. Là aussi, c'est pratique. On peut verser dans le vase du vin et ça va directement aller dans le sol pour le mort. Et puis, on peut avoir des colonnes plus ou moins complexes et carrément des sortes de petits temples. Alors ça, en Italie du Sud, il y en a beaucoup, là où je travaille. Ce sont des naiskoi, donc c'est une sorte de chapelle funéraire. Donc aujourd'hui, on va dans n'importe quel cimetière, disons jusqu'au 19e, début du 20e, et on voit ces chapelles, hein, toujours construites, dans lesquelles il peut y avoir parfois plusieurs morts et tout un décor qui est développé. Et alors derrière, vous voyez en gris, c'est à Naples. Ce sont des façades de tombes, aujourd'hui qui sont sous terre, mais qui étaient creusées dans des falaises. Et donc vous voyez l'échelle hein, de la chose, puisque ça fait déjà 2 mètres de haut. Donc on a des façades qui font jusqu'à 4 mètres de haut, taillées dans les falaises à côté de Naples. Donc aujourd'hui, elles sont sous-sol, on a l'impression que c'est des hypogées, mais c'était bien visible de tout le monde. Et derrière, il y a juste ce trait-là qui part et qui va... Du coup, vous voyez pas ma souris qui va bien au-dessus de ma diapo, on peut avoir des énormes tumuli, donc des grands amas de terre et de pierre, pour signaler les tombes. Donc il y en a aussi des tout petits, évidemment, que je n'ai pas représentés ici, mais simplement la terre de la fosse, vous creusez un trou, vous mettez un cadavre dedans, quelques vases, vous rebouchez avec la même terre, ça fait forcément une bosse, et ça signale en soi la tombe. Et donc, auprès de ces tombes, vont se passer des rituels. Donc une fois qu'on a installé le cadavre dans la tombe, il y a plusieurs choses. Souvent, il y a le banquet funéraire, donc on partage un dernier repas avec le mort. Donc, je vous ai mis l'intérieur d'une de ces tombes de Naples. Vous voyez, c'est des lits funéraires, ce sont les lits du banquet. Donc imagine une sorte de repas éternel hein, avec les morts. Donc, on retrouve hein, des traces de ces repas. Et ensuite, on va, donc là c'est un vase que j'aime beaucoup, mais qui est très singulier, sur lequel on voit le mort en train de danser. Alors, c'est bien un homme en train de danser. Et autour, on voit deux personnages qui ont vraiment des signes d'affliction, ce qui est très très rare en fait dans les représentations. Donc, on vient plutôt pour faire des libations, donc des offrandes liquides, des offrandes. Voilà, on vient rendre le premier hommage sur la tombe. Et ensuite, il va y avoir des retours sur la tombe. Et c'est en ça qu'on parle de nécropole des vivants, puisqu'en fait, c'est un lieu où on se montre, on montre sa famille. Le mort, il n'est plus là. Hein, donc c'est soi-même qu'on montre, on montre son groupe, sa famille, le fait qu'il est inscrit dans la continuité, que c'était quelqu'un d'important, etc. Et donc, on revient régulièrement sur la tombe. Oui, tout à fait, c'est très important, notamment dans la cité athénienne, de maintenir le lien, de maintenir l'unité entre tous. Et donc, c'est le cas aussi, par-delà la mort, il est très important de maintenir le lien avec les défunts. Donc, on continue de faire des visites à la tombe. Hein, on en a des témoignages sur les sites à fond blanc, comme vous pouvez voir derrière nous. Donc, ça peut être des offrandes. Ça peut être, on a aussi des scènes où la stèle funéraire est entourée d'un ruban, par exemple. On peut apporter des paniers d'offrandes. On imagine aussi qu'il y a des moments de chant, de chants funèbres au moment de ses visites. Il y a des visites anniversaires aussi de la mort du proche qui sont importantes. Il fait encore partie d'une certaine manière de la famille et de la cité. Donc Fabien l'a dit, il y a quelque chose de l'ordre de la monstration, puisque le monument funéraire, c'est un séma en grec, qui signifie à la fois donc, le fait de signaler l'emplacement de la tombe, comme il l'a dit, mais c'est aussi un marqueur qui va être un lieu de transition et de dialogue, si j'ose dire, avec le défunt. Donc sur les monuments funéraires, ils peuvent être de plusieurs types. Alors là, vous avez une photographie du céramique, qui est donc la nécropole d'Athènes, qui est placée à un endroit stratégique, puisqu'elle est placée sur la Via Sacra. Et on voit que les monuments funéraires donc, sont vraiment au bord de route et sont, donc, peuvent être voilà, regardés par les passants. Mais vous avez aussi des inscriptions gravées qui peuvent être lues, notamment à voix haute. Et on pense vraiment que c'était fait pour, qu'il y avait ce caractère un peu performatif de l'inscription, de la parole, pour, vous verrez dans un exemple juste après, mais pour aussi redonner vie, entre guillemets, à la personne qui est décédée. Donc c'est très important, les monuments funéraires sont souvent à des places stratégiques, des places de passage. On le voit aussi, elles peuvent être situées à des carrefours, hein, les nécropoles. Et donc c'est une façon de maintenir le lien. Certaines inscriptions sont assez amusantes, entre guillemets, aussi, où parfois on interpelle le passant, notamment des inscriptions latines qui invitent le passant à ne pas saccager la tombe. Enfin, voilà. On a des exemples comme ça. On peut donc maintenir le lien avec le défunt dans l'iconographie que j'ai un petit peu étudiée. On a très souvent des poignées de main que vous voyez, poignées de main droite, qu'on appelle la dexiosis en grec, donc vous l'avez ici. Alors là, vous avez une scène assez conventionnelle et qu'on retrouve très souvent sur les stèles funéraires de l'Attique de l'époque classique, entre une épouse. Donc on voit aussi qu'elle a un voile assez traditionnel qui est celui de lever son voile qui marque son statut d'épouse et donc potentiellement son mari qui est en face. Et on retrouve donc très souvent dans ces scènes funéraires cette poignée de main qui symbolise le lien qui reste malgré tout, peu importe, j'ai envie de dire, qui est décédé, si c'est l'épouse ou le mari. On les retrouve entre deux femmes, on les retrouve entre une femme et ses enfants. Enfin voilà, ça, il y a plusieurs schémas possibles. Donc ça, c'est une façon de maintenir le lien par-delà la mort sur le monument. Et puis, il y a aussi le texte. Donc là, c'est un autre exemple de stèle. Alors, je suis désolée, le scan n'est vraiment pas très bon, mais c'est surtout l'inscription qui m'intéressait. Donc, vous avez l'inscription grecque gravée ici, l'iconographie ici. Alors, juste une petite précision. On a ici un échantillon de stèle funéraire, mais il faut imaginer que faire graver un texte, ça a un coût. Et faire graver un bas-relief, comme ici, sur du marbre, ça a un coût aussi. Donc, on retrouve ce type de monument funéraire, mais il faut imaginer que ce n'est pas la majorité de la population qui peut s'offrir ce genre de monument. Donc, je vous ai mis la traduction en français. « Salut, tombe de Mélité, une épouse honorable repose ici. Parce que tu aimais en retour ton époux Onésimos qui t'aimait, tu étais une excellente épouse. » Donc, la progression de l'inscription est très intéressante puisqu'on commence avec quelque chose d'assez banal et conventionnel, à la troisième personne du singulier, un peu neutre, voilà, cette femme qui est décédée s'appelle Mélité. Et puis on passe à la deuxième personne du singulier. On s'adresse au défunt via le texte qui est gravé sur la tombe. Ainsi, il te regrette, donc on parle de l'époux Onésimos, maintenant que tu es morte, tu étais en effet une épouse honorable. Adieu toi aussi, mon très cher époux, et souviens-toi d'aimer les miens. Et là, on a un exemple rare de réponse, si j'ose dire, donc de véritable dialogue, en fait, fictif, évidemment, hein, virtuel, entre les époux. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant et assez touchant aussi, de vouloir voilà, faire graver et faire figurer ce dialogue sur cette stèle. Et vous retrouvez la poignée de main, la dexiosis dont j'ai parlé. Donc on a commencé à avoir un peu l'imaginaire, là, avec ce dialogue, mais qui n'est peut-être pas si imaginaire que ça. On peut imaginer aussi qu'ils ont commandité la stèle avant la mort de l'épouse et que peut-être c'est elle qui a voulu graver ça. Mais donc, passons complètement dans l'imaginaire, puisque là, c'est ce que les Grecs ont imaginé qui se passe après, donc une fois que cette séparation a été faite, malgré tout. Et donc, il y a un personnage très important, qui est assez populaire, qu'on croise d'ailleurs aussi dans la fantasy, c'est Charon, donc le passeur d'âmes, qui va accompagner les âmes pour traverser le fleuve du Styx, donc fleuve dans lequel certaines âmes se retrouvent bloquées, donc il faut payer son obole à Charon pour pouvoir traverser. Donc Là, vous voyez, sur, tout à l'heure, on a vu des représentations de tombes. Et parfois, on peut représenter la, donc avec les rituels funéraires qui sont faits auprès de la tombe. Et ici, vous avez la tombe à nouveau représentée. Et là, c'est intéressant parce que donc ce vase, c'est un lécite, c'est des vases à fond blanc qui servent uniquement dans le contexte funéraire. Et on met des huiles parfumées dedans. Et donc, sur ce lécite que vous avez ici, on a représenté un lécite. Donc, il y a beaucoup de jeux des peintres avec ça. Et on a la tombe. Ici, on a le mort et Caron qui vient le chercher. Donc, on représente une nouvelle fois un peu comme des BD. Vous avez d'abord les rituels funéraires. Et ensuite, on vous représente bon, bah, le mort, lui, pendant ce temps, ou à la fin du repas, des offrandes, va partir avec Caron. Donc, je vous ai mis deux représentations. Ça, c'est la traditionnelle, disons, avec Caron qui est un peu barbu, qui n'est pas forcément rassurant, mais qui n'est quand même pas non plus hostile. Hein, Il a mauvaise presse, Caron, maintenant, dans l'imaginaire collectif. C'est un personnage très sombre, etc. Bon, c'est quand même un personnage qui vient aider les morts. Mais je vous ai à nouveau mis c'est l'intérieur d'une tombe de Paestum que j'aime beaucoup puisque c'est à nouveau Caron mais qui est représenté. Alors nous on a tendance à voir peut-être une figure féminine ici, mais bon là c'est nos projections en fait, c'est pas du rouge à lèvres etc. Mais donc c'est une figure ailée etc. Et donc qui accueille cette femme à bord du bateau et qui va l'emmener aux enfers. Donc ça c'est le plus commun disons. Mais si vous êtes un vaillant guerrier qui meurt, par exemple, à Troie, comme c'est ici le cas avec Sarpédon, alors là, les noms sont écrits, donc c'est très pratique. Sarpédon est mort au combat, c'est un fils de Zeus, et Zeus veut qu'on prenne soin de ce personnage qui a été tué pendant la guerre de Troie. Et donc, il envoie Hypnos et Thanatos, donc le sommeil et la mort, qui sont des génies ailés, récupérer le corps de Sarpédon. Et on trouve aussi Hermès. Hermès, c'est le dieu des voyageurs. Et donc, dans les voyages, il y a évidemment le voyage vers l'au-delà. Donc, on parle d'un dieu psychopompe donc, qui accompagne les âmes. Et donc, avec Caron, ce sont les deux figures qui vont vous accompagner, vous aider sur le chemin, vous amener jusqu'aux enfers. Et donc, on arrive aux enfers. Dans la littérature donc ancienne, grecque et latine, on a plusieurs récits comme ça de descente aux enfers. Alors on appelle ça des katabases, puisque katabasis en grec, c'est la descente, littéralement. Plusieurs héros que vous connaissez peut-être sont descendus aux enfers. On parlera d'Orphée tout à l'heure. On a aussi Thésée, Héraclès. Et puis, alors là, je voulais vous parler un petit peu du personnage d'Énée, qui est donc le héros de l'Énéide de Virgile, grand poète latin de la période augustéenne. Énée, c'est un héros troyen, donc cousin d'Hector, qui a fui la ville de Troie en flammes, et puis qui est destiné en fait à fonder ce qui deviendra Rome. Donc, c'est au départ dans le Latium. Et il y a donc Virgile raconte dans l'Énéide tout son voyage, et il doit consulter son père Anchise, qui est aux enfers, avec l'aide de la Sibylle. Alors, c'est l'occasion aussi de vous parler de la localisation des enfers, parce que même si on est dans un imaginaire, on a voulu localiser l'entrée des enfers. Donc, dans les textes latins, on situe ça plutôt vers Cum, où justement il y aurait la grotte de la Sibylle. Et puis, les Grecs, parfois, situent ça plutôt au sud du Péloponnèse. Mais voilà, bon, c'est difficile d'avoir une géographie réaliste et exacte de l'entrée des enfers antiques. Et donc, certains se sont amusés à faire une cartographie des enfers selon le récit de Virgile. Donc, les petits numéros que vous avez, en fait, correspondent au vers du chant 6 de l'Énéide. Donc, on voit que, Énée commence son périple donc, en haut à droite, aux grottes de Laverne. Et il va devoir, donc, d'abord, il va apercevoir les âmes, alors celles qui vont traverser, grâce à Caron, comme on l'a dit, mais pour traverser, il faut avoir payé l'obol du trajet et il faut que la sépulture ait été faite correctement. Donc vous avez aussi ces pauvres âmes en peine qui errent pour l'éternité sur les rives du Styx et qui ne pourront jamais passer. Et c'est aussi ça qui donne cette image d'un Caron vraiment tyrannique parce qu'il empêche en fait le passage de certaines âmes vers l'au-delà. Et les âmes supplient Caron et les personnages, les héros qu'on voit dans les textes, sont suppliés aussi de leur venir en aide. Donc Énée, on sent qu'il est pris aussi de pitié pendant sa traversée des enfers. Et puis, donc, ils vont faire face à Cerbère, vous le voyez ici, une fois qu'ils ont traversé le Styx. Et alors, en gros, les enfers dans la littérature antique vont être divisés en deux parties. Donc les champs élyséens, ici, qui sont réservés aux âmes des bons. On commence déjà à avoir l'idée de jugement des âmes qu'on avait déjà en Égypte, la pesée des âmes que vous connaissez sans doute. Et donc les méchants, et notamment les suppliciés pour l'éternité, on en reparlera, Tantal, Sisyphe, etc., sont dans le Tartare. Et quand on dit les enfers, en fait, souvent, on pense plutôt à cette partie-là, où siègent aussi Hadès et Perséphone dans leur temple. Mais avant d'y parvenir, en fait, Aénée traverse toute une partie, alors d'âmes qui ont leur zone, si j'ose dire, de prédilection. Donc il y a une zone pour ceux qui se sont suicidés, une zone pour les innocents, pour les enfants qui sont morts, nouveau-nés. Enfin voilà, beaucoup de choses assez difficiles, en fait, de quelque part de morts injustes, qui sont comme ça, un peu dans un entre-deux, dans des espèces de limbes. Ils sont ni chez les bienheureux, ni au Tartare. Et alors on parlait hier du purgatoire lors de la table ronde sur les fantômes. Il y a aussi dans l'Énéide donc ces âmes qui peuvent revenir sur Terre, mais au terme d'une purification, parfois même assez douloureuse, hein, de torture, vraiment pour laver ces âmes de leurs péchés et être réincarnées en fait, dans un autre personnage, si j'ose dire, sur Terre, mais au terme d'un séjour qui peut durer 1000 ans aux enfers. Donc on a aussi ces espaces d'entre-deux qui sont intéressants dans l'Énéide. Les récits diffèrent, mais disons que la géographie la plus précise qu'on ait des enfers, c'est celle-ci, c'est celle qui est dans l'Énéide. Donc vous parlez du personnage d'Orphée, vous connaissez peut-être le mythe d'Orphée et Eurydice. Donc Orphée est tellement malheureux d'avoir perdu son Eurydice qu'il il souhaite pouvoir la ramener des enfers. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les textes, hein, il est écrit que il est facile, entre guillemets, d'aller aux enfers, le plus difficile, c'est d'en revenir. Bon. Et c'est le cas dans ce mythe, hein, puisque vous savez qu'Orphée avait interdiction formelle de se retourner. Et malheureusement, il s'est retourné, il a eu peur pour Eurydice, qui aurait trébuché, et donc elle est restée pour l'éternité aux enfers. Donc, je vous ai mis un passage ici des Métamorphoses d'Ovide, le poète latin, qui nous donne quand même un petit aperçu de ce qui se passe pour les suppliciés que j'évoquais juste avant. Donc il disait, et les frémissements de sa lyre se mêlaient à sa voix, et les pâles ombres pleuraient. On le voit aussi sur une représentation de vase juste à côté, avec la fameuse lyre en question, qui a servi à charmer, endormir Cerbère, pour pouvoir traverser. Et donc voilà, je vous laisse regarder, mais vous avez des noms familiers, donc Tantal, Ixion, Sisyphe, tu t'assieds sur ton fatal rocher. Et puis, alors, c'est intéressant, puisque Orphée a touché les Euménides, pour la première fois grâce à son chant. Et je vous lis la suite. « Ni la souveraine des morts, ni celui qui règne sur les mânes ne peuvent repousser sa prière. » Donc ils sont tellement touchés du chant et de la prière d'Orphée qu'ils sont forcés de lui redonner son Eurydice, à condition, bien sûr, de ne pas jeter les œufs derrière lui, sinon cette faveur est annulée. Donc c'est un mythe qui nous touche, qui est assez tragique et qui nous donne encore un petit aperçu des enfers... en tout cas selon Ovide. Et alors, Fabien a trouvé un témoignage. Alors, je ne sais plus, c'est un vase Alors, c'est une hydrie qui vient d'Italie du Sud et sur laquelle on voit justement le moment tragique où Orphée s'est retourné pour voir son épouse, alors qu'il avait interdiction de le faire. Et donc, on voit Orphée. Donc, on est hors des enfers, c'est ça. On a la porte des enfers. On retrouve Charon ici, qui attend Orphée. Hermès, qui est en train de l'emporter. Ici, Eurydice. Perséphone qui est venue la chercher, et ici, et c'est la photographie que j'ai mis ici, vous avez Cerbère, et qui est tenu en laisse par Argos, donc qui est recouvert Dieu, pour bien contrôler qui rentre et sort des enfers, surtout qui sort des enfers. Donc c'est une des très rares représentations d'Eurydice, en fait, alors qu'elle est quand même au centre d'un imaginaire extrêmement important, mais c'est Orphée hein, qui a carrément une religion à son nom, hein, l'orphisme. On se sert de lui comme intermédiaire justement pour essayer de séduire Hadès et Perséphone. Non. Et donc on va vous parler un peu de ce vase et des personnages qu'il y a dessus. Donc comme c'est un vase très riche, je vous le montre rapidement comme ça en entier, mais on va regarder une gravure du 19e siècle où on voit tous les noms. Donc ce qui est intéressant sur ce vase, c'est qu'on est aux enfers très clairement. Vous avez Hadès qui est assis sur son trône, Perséphone qui est en train de parler avec lui. Vous retrouvez Orphée, qu'on vient de vous présenter. Donc, il est en train de jouer de la lyre. Alors, ça ne suffit pas à ce que Tantal et Sisyphe s'interrompent dans leurs travaux, comme dans l'Énéide. Mais derrière lui, il y a un groupe, un homme, une femme et un enfant avec un petit jouet, une sorte de petit chariot. Et l'idée, donc, on n'a pas leur nom à un personnage, l'idée c'est que ce sont des initiés justement à l'orphisme qui espèrent être introduits aux enfers par Orphée qui va charmer Hadès et Perséphone pour eux en gros. Alors, pas forcément pour retourner dans le monde des vivants, mais pour accéder à un au-delà bien heureux, ce qui n'est pas forcément gagné hein, de prime abord. Donc je vous présente quelques personnages. D'abord ici, on a Dike, Pirithous et Thésée. Alors Dike, c'est la justice. C'est vraiment quand vous voyez la femme avec le glaive, hein, qu'on retrouve beaucoup dans l'iconographie judiciaire aujourd'hui, celle qui tranche. Et à côté d'elle, Pirithous et Thésée. Pirithous et Thésée, c'est un peu deux idiots, puisqu'ils ont voulu enlever. Pirithous voulait épouser Perséphone, alors très mauvais choix. Donc il se présente aux enfers pour enlever Perséphone. Évidemment, Hadès voit tout, c'est un peu la définition d'Hadès. Et donc, il les interrompt et il va leur coller l'océan au sol des enfers. Et donc ils restent bloqués aux enfers. Donc ils ont un statut très particulier, ils sont vivants, mais aux enfers pour l'éternité. Donc Pirithous va rester bloqué aux enfers. Par contre, Thésée va être secouru par Héraclès qui va tirer très fort et qui va réussir à le soulever pour le ramener sur Terre. Ensuite, en dessous, vous avez ce qu'on appelle les juges des enfers, donc Minos, Radamante et Éaq. Et avec Dike, ils vont aider hein, Hadès et Perséphone à prendre les décisions, à juger les âmes. Alors, quand on parle d'âme, quand on parle de péché, tout ça, c'est un vocabulaire très anachronique, mais très pratique, évidemment, pour parler de tout ça. Mais le christianisme hein, n'est pas encore passé sur tout ça, donc il n'y a pas véritablement de péché. Et justement, on retrouve Tantale et Sisyphe. Donc Tantale, il est condamné à... Il est au milieu de l'eau, d'une eau fraîche, il y a des fruits autour de lui, mais à chaque fois qu'il veut boire, l'eau se retire, à chaque fois qu'il veut attraper un fruit, il pourrit. Donc c'est le supplice de Tantale, hein, on a quelque chose devant nous, mais on ne peut pas le prendre. Et Sisyphe, en face, lui, doit rouler un rocher hein, pour l'éternité, il le remonte au sommet d'une montagne, puis il redescend, et tous les jours, il recommence. Donc c'est des choses très répétitives, hein, les supplices des enfers. Et donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur la notion de péché. Ces deux hommes n'ont pas péché à nos yeux, même ils ont essayé de dépasser leurs conditions. C'est ça qui ne plaît pas aux dieux grecs. Il ne faut pas dépasser sa condition. Et il ne faut pas offenser les dieux. Et quand même, globalement, des fois, les dieux sont assez mesquins hein, avec certaines punitions. Et on devrait, en tant qu'humain, être plutôt reconnaissant à ces personnages punis aux enfers, au moins pour certains. C'est grâce à eux qu'on a le feu, qu'on connaît un certain nombre de choses, etc. D'autres, on ferait des vrais... Les Danaïdes, par exemple, ont tué leur mari. Bon, selon un imaginaire quand même assez commun, effectivement, on les placerait assez facilement aux enfers à toute époque. Mais non. Là, elles ne sont pas représentées, mais elles sont souvent représentées. Ensuite, on a Hécate et Hermès, je les présente ensemble. Donc Hermès, je vous ai dit, c'est le psychopompe, il accompagne les âmes. Il accompagne aussi les dieux hein, qui vont visiter Hadès et Perséphone. Mais Hécate, elle va surtout accompagner Perséphone, puisque vous savez que Perséphone, elle passe son temps hein, chaque année à revenir auprès de sa mère Déméter, puis ensuite de retourner dans les enfers. Donc auprès de son mari qui l'a enlevé, donc il y a une négociation et donc un cycle. Et donc tous ces personnages sont dans des cycles. Et on retrouve enfin trois acteurs. J'ai oublié de dire sur la géographie, c'est intéressant. Je reviens là. Tout en bas, vous avez le Styx. Donc c'est intéressant parce qu'en tant que spectateur du vase, on est hors des enfers parce qu'on regarde par-dessus le Styx et on voit la scène derrière. Et ces enfers sont situés entre le Styx ici. Et alors la scène, j'aurais dû la mettre en plus gros. En haut, vous avez le soleil et la lune. Sélénée et Hélios sur leur char qui traversent. Et en fait, ils passent au-dessus de la mer. On voit des petits poissons qui sautent hors de l'eau, etc. Donc, les enfers sont sous la mer. Et les images complètent ce qu'on a dans les textes. On est dans une géographie aussi particulière. Et donc, des personnages associés sur lesquels Élise va revenir. Ici, vous avez Mégara et ses deux fils qui ont des bandages. Et vous avez ici Héraclès avec Cerbère. Et donc, Mégara, c'est l'épouse hein, d'Héraclès. On voulait faire un petit arrêt sur Héraclès et Cerbère, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver pas mal à la fois dans les textes, mais aussi dans l'iconographie. Je vous ai mis l'extrait de Virgile, hein, quand la Sibylle voit le Cerbère, la prêtresse, voyant ses coups se hérisser déjà de couleuvres. Et on peut s'étonner, parce que ce n'est pas une représentation qui est forcément la plus courante d'un Cerbère avec des couleuvres comme ça. Ça nous fait plutôt penser à Méduse. Donc là, très clairement, alors il manque une partie, mais à gauche de l'image, vous aviez donc Eurysthée. On voit un bras affolé quand même sortant d'un grand vase qui s'appelle un pitos, si je ne dis pas de bêtises. En fait, c'est le dernier travail d'Héraclès dans les 12 travaux. Alors le mot travail est mal choisi. C'est ce qu'on appelle un athlon en grec. C'est une épreuve. Il est mis à l'épreuve. Donc bon, je vais garder travail parce que c'est comme ça qu'on l'a traduit en français. Eurysthée demande à Héraclès de lui ramener Cerbère des enfers en pensant bien entendu qu'il n'y arrivera jamais. On reconnaît toujours Héraclès dans l'iconographie avec sa massue, et puis la peau de lion aussi, qui est celle du lion de Némée, donc qu'il a revêtu. Et je trouvais intéressant aussi que le peintre ait choisi choisi une couleur différente par tête de Cerbère. Donc on voit que là, les textes et l'iconographie concordent sur un Cerbère avec des têtes de serpent. Et on a aussi là une autre représentation avec une queue de serpent. Et c'est intéressant, là, vraiment, les trois têtes font vraiment penser à un chien. On a plusieurs, donc je vous ai sélectionné simplement deux textes parce qu'on en a beaucoup. Donc Apollodore en grec dans la bibliothèque. Celui qui nous raconte en fait les 12 travaux, c'est cette source qu'on utilise pour les épreuves d'Héraclès. Donc ce monstre avait trois têtes de chien, une queue de dragon, j'ai dit serpent mais dragon, bon. Le dracon en grec, c'est compliqué à traduire, c'est dragon, serpent, voilà, c'est un peu compliqué. Et sur le dos, des têtes de serpents de diverses espèces, comme on vient de le voir. Donc il demanda à Cerbère à Pluton, hein. Pluton c'est Hadès, mais c'est son nom latin, Pluton. Et ce dieu lui permit de l'emmener s'il pouvait le prendre sans se servir de ses armes. Hercule, revêtu de sa cuirasse et de sa peau de lion, l'ayant trouvé vers les portes de l'Achéron, le saisit par le cou, et quoique mordu par le dragon qui formait sa queue, il ne lâcha point prise. De manière que le chien, se sentant étouffé, fut forcé de le suivre. Il l'emmena donc avec lui, remonta sur la terre à Trézène, et l'ayant montré à Eurysthée, il le reconduisit aux enfers. Donc un petit tour pour Cerbère sur terre. Ce qui est fou, c'est que les autres héros, j'ai parlé de Orphée tout à l'heure, il faut vraiment il faut endormir Cerbère, il faut user de ruses, il faut trouver quelque chose. Donc Orphée a usé de sa lyre. Et là encore, on retrouve Héraclès qui use de sa force. Alors, malgré le témoignage du texte, on est quand même assez... Enfin, c'est l'idée aussi, c'est de que ce soit un exploit de la part d'Héraclès. Mais les anciens se disaient quand même déjà à l'époque, mais mon Dieu, comment il a fait pour le ramener à main nue? Parce que c'est vraiment un monstre qui est présenté comme terrifiant, et même pour Héraclès. Et alors Dante, dans la Divine Comédie, vous le savez peut-être, a repris une partie donc, du récit de l'Énéide de Virgile avec, comme le disait Fabien, le christianisme quand même qui arrive entre les deux. Donc ça change pas mal de choses sur la représentation des enfers. C'est pas tout à fait la même quand même que dans l'Antiquité. Mais il fait un focus aussi sur Cerbère. Alors je vais peut-être pas lire tout le texte, mais on voit bête cruelle et de forme monstrueuse, donc qui a aussi trois gueules. Mais on a une description vraiment terrifiante de ce personnage. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en fait, parfois, dans certaines, enfin assez souvent même, dans certaines représentations, Cerbère n'a que deux têtes. Donc, c'est des choses qui sont assez fluctuantes dans l'imaginaire. Il est plutôt sympa, c'est un bon petit chien. Il a l'air plutôt apprivoisé que terrifiant, plus apprivoisé que terrifiant. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur Héraclès. Oui, parce que dans certaines images, j'en profite, parce que là, c'est vrai qu'il a l'air tout doux, alors que Héraclès... quand même, là, dans le texte, tu ne l'as pas lu, mais Cerbère déchire les esprits, les écorche et les dépaisse. Quoi. On ne s'attend pas à pouvoir aller le caresser comme ça, tranquillement. Et des fois, il a vraiment une tête de caniche, selon le standard actuel. Je n'ai pas pensé à mettre une image. Donc, on revient à ce vase pour conclure. Je vais revenir à l'image où on peut lire un peu mieux. Ici, donc, on peut se demander que font tous ces personnages, quel est le sens de ce vase. Donc, ce vase, il était dans une tombe. C'est un vase qui est fait pour avoir un discours sur la mort. Donc on peut imaginer, mais malheureusement on n'a pas de texte, on n'a pas d'inscription, que le commanditaire du vase se reconnaît dans ces personnages. Alors c'est pas un portrait du tout, hein, mais peut-être que soit le peintre a voulu représenter hein, les défunts, soit les défunts, les futurs défunts ont commandité un vase sur lequel ils sont représentés. Mais vraiment c'est pas des portraits, ça faut en sortir. Pourquoi il se représente avec tous ces personnages? Ben, en fait, c'est à la fois une représentation du cosmos, de l'harmonie, parce que Hadès, quand il punit, quand il envoie au Tartare, quand il envoie au Chésésée, il rétablit une forme d'équilibre. Donc déjà, c'est une sorte de guide, ce vase. C'est pas un livre, c'est un guide pour se repérer aux enfers aussi, et aussi parce que c'est bon, si on veut pas finir comme Tantale et Sisyphe, il faut pas faire preuve d'hubris, faut pas provoquer les dieux. Donc c'est déjà un premier message. Ensuite, Orphée va peut-être nous introduire. Donc il y a des formules magiques, il y a de la musique, il y a des comportements à adopter aussi, il y a des religions extrêmement compliquées, notamment en Italie du Sud, où on a des cités grecques, et le mélange avec les populations locales au moment de la colonisation a provoqué une situation un peu particulière. Donc Orphée sert d'intermédiaire, et donc on peut se demander pourquoi il y a Mégara et ses fils. Mégara et ses fils, ils ont été tués par Héraclès. Héraclès a tué ses deux enfants et sa femme dans un coup de folie provoqué par les dieux. Et donc, en fait, Mégara et ses fils ont aussi droit à une sorte de réparation. Ce sont des innocents qui ont subi quelque chose qui n'aurait pas dû, ce sont les dieux qui ont provoqué quelque chose. Et donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois Héraclès en tant que symbole justement de personnage qui va aux enfers et qui revient. Donc on veut aussi s'assimiler à tous ces personnages. Un Perséphone, elle fait des allers-retours, Héraclès fait des allers-retours, Hermès et Hécate font des allers-retours, donc c'est cette cycle. Et les défunts peuvent avoir l'ambition de faire pareil, Orphée aussi évidemment. Mais on peut aussi vouloir trouver une place auprès de Hadès et Perséphone. Donc là, Mégara et ses fils, tués par Héraclès. Donc Héraclès symbolise quelque chose, mais ils sont séparés. Ils symbolisent autre chose, Mégara et ses fils. Donc, on a vraiment un discours extrêmement complexe qui se met en place à l'intérieur de ces tombes. Et pour conclure, je voulais juste vous montrer rapidement. Donc je vous remonte le vase. De l'autre côté, on représente une tombe avec en blanc, ce sont les défunts, ou au moins des deux et le défunt, et autour on fait des offrandes. C'est une des cérémonies à la tombe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a un parallèle très fort entre la forme de la tombe et le palais d'Hadès et Perséphone aux enfers, évidemment, il y a une sorte d'assimilation. Et donc ces vases proviennent de cette tombe. Alors, j'ai pas mis des photos de la tombe parce que j'adore ce petit modèle du 19e siècle qui est fait en liège, où, bon, complètement faux, hein. Pas du tout cette forme, mais avec le squelette, ici les vases, et puis un décor de chasse qui était tout autour. Et tout un ensemble de vases, donc en tout il y a 5 vases sur lesquels on retrouve aussi la folie de Médée qui tue ses enfants, des représentations de tombes, et ici la folie de Lycurgue. Et donc en fait il y a tout un discours sur l'harmonie cosmique, le fait de s'inscrire à l'intérieur et d'accéder à quelque chose dans l'au-delà. Donc tout ça est un discours extrêmement cohérent au final, et cet imaginaire des enfers, il est très connecté à une réalité qu'on voit aussi dans l'archéologie, dans les nécropoles, etc. Tu as un mot de fin ou... Ben, quand tu dis ça, justement, que chacun doit aussi respecter sa place par rapport aux enfers, ça rentre aussi dans la politique de la démocratie athénienne, où voilà, il ne faut pas trop... chacun doit être dans le rang, on prône une pseudo-égalité. L'isonomia. Enfin, Thucydide disait Méden Agan, c'est-à-dire jamais rien de trop. Il ne faut pas en faire trop. Donc, il faut rester modeste et ne pas céder, comme tu disais, à l'hubris, à trop d'orgueil. Il ne faut surtout pas se prendre pour un dieu. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Matique Histoire. Un grand merci à Fabien Bief-Perrin et Élise Pompanet. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.